Témoignage de Monsieur Marion Gaston, né en 1906 à Huy, résident Huy, mouleur en sable. Ce témoignage a été recueilli en 1979 par Messieurs De Chêne et Mikils. Non, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ah, oui. Comme les samedis. Ah, ouais. On finit ces journées à 5 heures. Et j'en ai fait là, à la télé, ou on va faire à la télé, à l'école vraie, non, connu quand même. Ah. J'en ai fait là 6 heures, jusqu'à 8 heures à remettre. Et qu'est-ce qu'on a peur de vivre là? Bon, on y a cet après, chimie, physique. Demain les premières, on est économie, de mathématiques. Et vous avez fait cela qui m'a donné? Ça fait 5 ans. 5 ans. Et après, vous avez un certificat? C'est un diplôme. Ah, diplôme dit quoi? Pourquoi qu'il a eu fini mes études de scolaire industrielle? Ah, vous avez quel âge à ce moment-là? Bon, il y a tout de suite à l'école, après le primaire, il a eu 27 ans de primaire, on a eu 15 supplémentaires, il y a eu 3 ans, donc il y a certainement là 4-3 ans, parce que j'ai gagné 18 ans. Et alors vous avez attaqué à Auré? On va les travailler déjà. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il finit à 5 heures. Ah, c'est ce bien. Il dit à Charles Montportant, finir à 5 heures, et il fallait faire ça 6 heures. Pour les deux samedis, c'est parti. Et puis on a vu dans les cours psychiques à ce moment-là, quand les psychiques. Mm-hmm. On a eu une fille à 6 heures, parce qu'il y avait jusqu'à 8 heures, donc on est dû à 8 heures. Et c'est ce que vous êtes employé, cela? Ah non, c'est une pour se perfectionner, c'est une augmentif. Devant la première, on est augmentif 35-40, et on finit les fantômes sous transmis, on va être abandonné. Est-ce qu'il y avait des passes à l'amour là? Non. Mais ça ne m'allait pas bien. C'est juste des gens qui travaillent. Et qui venait de là pour se perfectionner. Ah oui. Et votre soeur, qu'est-ce que tu as fait, cher amour? Quand il y a cette année, il y a même si il y a fait une nouvelle hauteur. C'est quoi ce nouvelle hauteur? C'est-à-dire qu'il paraît que vous avez fait une pièce qui forme trop. Et bien, on mettait mon jour en oeil, des sorgions. Et pour le trop. Pour lui dire une pièce en fait, c'est vrai. Vous avez toutes les pièces de. Toutes les choses qu'ils ont vues, c'est un noyau. C'est mon oeil à fait, cela? Non, non, non. C'est une malaria stella parce qu'on a vu un produit monastère. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des orions. On a découvert un mignon. C'était des orions lumineux, grands orions. Et puis on a découvert des orions à l'envers. C'était un mélange des cils et de la lumine, de l'eau. L'enlumine pour une cohésion. Ouais. Parce qu'on mettait dans le mélasse, c'est qu'on avait commencé à crier. Et puis après, on a travaillé l'eau de l'ail. Mm-hmm. Et puis on a cocondi. Et on s'est retrouvé au fur et à mesure. Et on dit cela sur une pièce? Vous aviez une boîte. Vous aviez des boîtes pour faire construire l'eau. Et puis on les mettait dans un moule pour finir une pièce. Mm-hmm. Et ça arrive combien de temps, qu'est-ce que là? Ça dépend du mur, bien sûr. T'as des petits négos, oui. Des petits négos. C'est toutes sortes de pièces. C'est en ce moment-là, c'est toutes sortes de pièces. Vous savez, il faut déjà prendre un lourd la main, parce que vous avez dans le poêlerie, ben, c'est au début. Mm-hmm. Et puis vous avez dans les petits artisans en merveille, cuisine de poêle, et le bras, enchaîné tous les deux, ben, c'est. On a fait genre des escaliers tournants en fonte. Je pense qu'il y a encore un lieu où il a la pâtisserie, là, dans le coin, là. J'ai pas une avion, là. Vous en avez fait, là? Non, mais non. Je suis trop jeune dans ce moment-là. Des choses, des balcons. Il y a pas d'autres balcons. Des panneaux pour les boucheries. On a fait de bons panneaux avec chez les vaches en ça. Des bons dieux. Des quoi? Des bons dieux de Christ. Ah. On a fait part dans le jour de Christ. Il y en a eu même encore à l'exposition des sénateurs. On a aussi travaillé. Il y en a eu bien assez. On a vu encore, c'est une jeune, c'est grand. On se fait tirer, on se fait détourner, enfin, on le fait un peu. Quand se remplacer, je vais te parler de toi. Alors, ils m'ont abandonné le poêlerie, ils l'ont fait de forme mécanique. Ils font parler en cuisine, c'est quoi? Ils font parler en. des fonds en gros, mais des anciens en gros, mais des inconnus. Après, noyauté, on avait ce type quoi, c'est ça? Ils sont en machine à mouler. Hein. La machine à mouler? La machine, c'est une machine à. Ah, comment on fabrique là? On passait les tissus de là. On a deux fonds de couilles. Et on a voulu aussi des plats pour ça. Comme ça, il fallait vous tourner en machine et puis qu'il fallait dans les scrolls. Il fallait le faire. C'est destiné de tout un coup, on a vu une. On a vu une des heures comme une monstre. Mais ça vient d'arriver en même temps, on a dit. Mais qu'est-ce que vous avez fait, la machine à mouler? Pour la machine à mouler, c'était bon à regarder. C'est bon à regarder, j'y vais regarder. J'y vais regarder, c'est si t'es une seconde, j'y vais regarder. Autour d'une tête à baisse. Pour faire au moins un café, ça se fait quoi? Oh, ben vous avez une plaque modèle profil JS, une plaque modèle profil PIT. Et puis vous avez une plaque modèle profil et. Allez, oui, tu bois le café là avec. Ouais. Peut-être on court dans l'air. Hein. Et puis les manivelles, il reste une base de notre manivelles. Ça veut dire que vous voyez ça, les manières. Tout ça, c'est peut-être un peu ce qu'on fait. C'est une chose, moi. S'il vous plaît. C'est une chose. Chaud. Ah oui, quand ça arrive, il se dit, c'est une. Pour mouler. Ah, pour mouler, non, vous avez des orions. Des orions. Des orions, comme ils avaient dans des orions de la région. Et on coule sur le mar. On est coulé dans le mar, on dismontive sur le mar, on ramasse le CBS, il fallait fracasser son avion par bouillie, il rattrasait par l'endroit. Il y a eu plein de machines à mouler, Charles. Oh, à ce moment-là, il y en a eu plein. Il tenait pas le coin, là. Une machine comme ça, Henrik. Après, on a installé une machine à air comprimé. Une petite machine, tout seul, enfin. Est-ce que pays de sa machine à. On était à Martin. À Martin, hein? Ah oui, à Martin. Alors vous arrivez, ma fille désormais que ça arrive, et désormais je sais que ça arrive. Désormais que c'est pour mon pays. Enfin, il n'avait pas un peu. Ça compense, il m'a vu d'abord un robe, enfin. Et après, une machine à mouler, il avait fait. Que la machine à mouler, ben. Il y avait un tumulard au moins. Un tumulard au moins. Il y en avait marre des Almagines. Des Almagines, des Almagines. Il y a eu des difficultés au moins. Mais il y a un peu de travail au moins. Est-ce que c'est plus amusant, ça? Oui, un peu moins dur. Quand il est moins dur. Parce que pour moi, moins dur que l'Almagine, dans le machine. Quoi qu'il se destine à vous, on a comparé à ce que vous avez vu que ce résultat en ce moment-là. Vous avez fait des belles épaisses. Oui, c'est une belle épaisse. Parce que ça a un rire dans leur pays, puisqu'on est désemblé de l'épaisse. On a eu une petite assemblée, on est destiné à un pays pour le développer. On a eu une recette, quand même. Comme ça, comme ça, c'est dur, par exemple. Vous pouvez décrire un peu le patch, Michel. Casse-tour. Ah oui, mais ni. À ce moment-là. Ouais. Bon. On va dire oui. Ça va le se peut couper, qu'il y ait un congolais de pèse. Ah oui, par exemple. Ouais. Eh ben, en général, on en fait deux cordes. Alors, qui sera un peu long sur l'autre. Alors, on va des couillons. Pour le cerise. Et en général, ça c'est. Alors, vous voulez. Une partie de la pèse. Vous allez mettre dans les mains, vous l'osez encore. Vous allez parler sans rien. Vous le mettez sans fond, vous naturellement, pour vous retourner. Vous le retournez. Alors vous l'osez en joint. Tout en tout, vous mettez un isolant. En ce moment-là, si vous avez un fouet de clic-pilés, on va dire des requertins, alors. On mettait sous les vers le pied et on mettait le en sec. Et puis comme on met tous vos isolants, on met de l'autre corps, en bouillonnant sur le CD de zoo. On va parler des heures. été déclaré à une époque pour crafter une dernière profession. On voulait le faire. Ça y fait combien de temps, vous faites? Ça dépend de ce qu'on faisait, parce que ce genre de temps, c'était pas ans. Mais vous aviez appris des messes qui faisaient plusieurs cartes, qui ont eu plusieurs joints. Et qui m'ont dit, ça, heureusement, là, il y a 10 montants, parce que ça dépend de quoi d'avoir. Vous êtes tous sous l'envers. Des pignons pour les donner à bouer à ce moment-là, des donner à bouer. Des pignons, qu'est-ce que tu fais de cette chose-là? Un mort d'inté qui est retourné. Des pignons. C'est ça qui est retourné là. Elle avait demandé combien de terre à quoi? Est-ce que c'était l'an 22? Il y a sorti fou. En 71. Vous avez confié au feu après mourir ou c'est ce que vous avez dit? Non, j'ai pas de pension, j'ai 25 ans. Parce que mes pensions m'ont rendu jaune. C'est ce que l'hierarchie sur la loyauteur? Oui, en général, c'est tu. Les gamins trient de leur pays. Vous savez qu'ils avaient flippé, ça veut dire vous êtes des fiers. Si tu infectes, tu mets un bar. Même par le rue de Vézamin, il reste tout en vain, il y a un village avec vous. Et puis là, il y a un Dieu, comme ça, je dis. Mais c'est quand même resté une tenue, respiré dans le fusil. C'est une inhumain, là, des soins, là, du reste de descendre, ça. Et là, c'est quelqu'un de descendre, c'est oublié, il y a pas ton masque, il y a pas ton masque. Il y avait les services de sécurité. On existait bien, tout ça. Vous avez juste les questions de l'accident de travail, mais les questions de sécurité et d'hygiène, tout ça. Il y en avait les accidents de travail. Ben, des roulés, ça va dans les fonderies. Des roulés, des spécialités de fonte. Mettre en fusion, rattraper ça dans le soleil. On n'a rien à faire aussi. Où est-ce que vous voulez de ce point court? Ben, il y en a jamais. Il y a jamais quoi à voir, non, mais c'est une agrafe. Quoi, tu vas oublier. On est le fils où tu as fait des fonds de Costa Custa, so come sono da qua con moi, non so da che sono in Europa. E poi mi dovete sonare per sciogliere, e quindi fanno qua con moi. E non ho curio di sonare, vedi che andare in una, non è di a porti a Roma, e non è fatto il fiume, e ci sono tutti in fiume. Siamo lì. Non so se tutto ciò che ho fatto. Ils avaient des papiers à lever, des Allemands, au pays. C'était une autorisation. Ah, ça, c'est l'Allemagne qui paye. C'était une affaire du bureau. Monsieur de Hamel m'a dit qu'il ferait des cuves. C'est vrai, il s'en a. Des cuves. Ah ouais. Il voulait des cuves. Le Cabolia, pour le mettre. Ça arrive au Cabolia. Donc, il y avait un mec qui collait bien, ça aurait pu le sens. Le bâti de Piano. Non, pas dit fond, mais au piano. Enfin, Charles, pour le monde de 14 ans, c'est le bâti de piano. Pour le moment, tout ce monde. Mais tout le monde, les entreprises ont disparu. Et puis, qu'on a pu rien faire. On a remplacé le fond. Et puis, l'acier, ça. L'acier avec l'extension, on ne sait pas remplacer le fond. Charles, il voulait de l'acier, c'est bien. C'est des acier inoxydables, des acier spéciaux. Ma non si ordinava, non c'è una sola. Ma a me lo si è rimasto per cui. E si conosce il paese? Conosce il paese? Che aveva attacchi? Come io credo non sapevo. Ah, gli avevi 60 anni in Mario. 60 anni. E après? Beh, après, allora, mi ha trovato la marci, mi ha rivisco per la... À 3 francs à l'heure, même boîte, ça dépend. Les étudiants ont besoin de ça. Parce que je me rappelle quand c'est qui on a attaqué à travailler. On disait, il y a eu 12 ans, c'était en francs à l'heure. C'est du salaire en francs. Et au début de la guerre, les moyens étaient du 40 francs, il y a eu 5 francs à l'heure. Il y a 40. Il y a 40, là, on est très chétal. Ça va, mais il faut augmenter des sous-titres. Il y a un pareil. C'est du pareil. Quand il y a eu Covid, là où c'est 40 francs, il voulait aller Covid. Bien sûr, c'est bien sûr ta fin. Parce que là, ça vous vend les avantages qu'on a eu. Mon équipe, pas même où c'est 40 francs. Il y a eu des tas de guerres où 40 francs partout. On se touchait pour 40 francs, c'est une info. On a des fois qui l'autre met 40 francs. Nous allions travailler pour 40 francs, pour beaucoup l'autre main. Et quand c'est qu'on a bombardé, ben c'est, il y a ce travail au point de monsieur. Plus de rien, il faut arriver sur des attaques pour les autres. C'est tout privé, on fait quelques temps que je fais ça. J'avais la vie des commandes, personne ne connaît les filles d'affaires, on a vu que c'est toujours d'une traite. Et mon monsieur. Il a eu deux offrises, il était tombé. Et à ce moment-là, il m'a rejeté tout mon camarade. Il a gagné 12 francs de à lui. Il y avait des flèches à 12 francs de mai. Alors, même s'il a eu deux, et à lui, il a gagné des camarades. Pas de gagner au soleil. Témoignage de